à toutes et tous et bon début de semaine sur Radioactive. Aujourd'hui dans ce mag, on va parler qualification professionnelle avec plusieurs portes ouvertes proposées par deux centres de formation d'Amboise, le CFAI Centre et le lycée professionnel Jean Chaptal. Et pour nous parler de ces temps forts, nous accueillons différents invités. On va commencer par s'intéresser au centre de formation des apprentis de l'industrie Centre qui prépare les jeunes au métier de l'industrie, un secteur en pleine évolution et qui recrute. Alors l'idéal pour découvrir ces métiers, c'est bien entendu d'explorer les locaux, de découvrir les machines, les outils, de se renseigner sur les débouchés. Et pour cela, quoi de mieux que les portes ouvertes ? Alors celle du pôle formation UIMM, alors je traduis, Union des industries et métiers de la métallurgie, CFA de l'industrie Centre-Val de Loire, eh bien auront lieu ce samedi 15 mars de 9h à 16h. Et pas seulement que sur Amboise, puisqu'il y a 5 sites au niveau de la région Centre, on en parlera dans un instant. Nous accueillons donc Lise Croix, conseillère emploi-formation. Bonjour Lise. Bonjour. Et également Damien Berthier, qui est lui aussi conseiller emploi-formation et chargé de sourcing également. Bonjour. Bonjour. Vous allez pouvoir donc nous détailler le programme, les filières proposées, les débouchés qui attendent les futurs talents de l'industrie. Alors peut-être nous expliquer l'un et l'autre en quoi consistent vos fonctions. Oui. Alors, je suis conseillère emploi-formation sur le département du 37, notamment, et j'ai plutôt la relation entreprise. Le but est donc d'aller chercher les offres en entreprise pour les besoins en apprentissage et faire le lien entre les jeunes qui recherchent un apprentissage et les entreprises qui recherchent un apprenti. Donc, ça veut dire que vous prenez votre bâton de pèlerin et vous allez démarcher les employeurs potentiels. Exactement. Le but, c'est d'aller aider aussi les entreprises qui sont en difficulté de recrutement pour former les apprentis au mieux et derrière pour voir éventuellement des postes en CDD ou CDI à la suite de leur alternance ou de leur apprentissage. Ok, donc Damien, même fonction, on imagine à peu près les mêmes rôles. Sur la partie conseiller emploi-formation, exactement. Par contre, moi, je suis aussi chargé de sourcing, donc je travaille en amont de Lise. Moi, je suis plutôt sur la partie recherche de candidats. Je vais aller à la rencontre des prescripteurs, sur les forums, sur les salons, pour rencontrer un jeune public et les orienter vers nos différents métiers de l'industrie. Une fois que je les ai accompagnés, on crée ensemble leur dossier d'inscription, de préinscription. Mm-hmm. Et c'est Lise ensuite qui prend le relais, effectivement, comme elle l'a dit, pour la relation entreprise. D'accord. Alors pourquoi est-ce que c'est important pour le pôle formation d'organiser ces portes ouvertes ? Alors aujourd'hui, l'image de l'industrie auprès du jeune public, elle est des fois un petit peu faussée et les amener vers nos ateliers, c'est aussi ouvrir un peu leur imaginaire en tout cas et leur présenter un peu cet environnement dans lequel finalement souvent ils se disent « Ah, c'est pas si mal et je me verrais bien faire mon bac ou mon BTS dans un environnement comme celui-ci ». L'avantage aussi, c'est qu'ils vont pouvoir rencontrer les formateurs présents lors des portes ouvertes, mais aussi les apprentis, qui sont en ce moment eux-mêmes oui. apprentis au CFA, qui ont leur expérience dans leur entreprise, et ils pourront échanger avec eux pour se projeter mieux pour l'année prochaine. Alors c'est intéressant ce que vous disiez, Damien, par rapport à cette image que certains peuvent avoir du secteur de l'industrie. Est-ce que c'est forcément des jobs qui sont très physiques ? Est-ce que c'est un domaine exclusivement d'hommes ? Est-ce que c'est des idées préconçues totalement fausses ? C'est souvent des préjugés. Après, effectivement, il y a encore 25 ou 30 ans, on parlait beaucoup de travail à la chaîne. On était sur des métiers souvent qui étaient physiques et qui ne demandaient pas forcément beaucoup de qualifications. Avec l'évolution des technologies sur les 20 dernières années, aujourd'hui, on est sur une industrie 2.0, voire 4.0. Et donc aujourd'hui, c'est des métiers qui sont vraiment déjà pour tout le monde, hein, aussi bien hommes que femmes. Il n'y a plus ce côté pénibilité, ce côté manœuvre ou en tout cas charge lourde, etc. On est vraiment sur des métiers où on va plutôt piloter des organes de production, des systèmes robotisés, des systèmes automatisés. On va faire de la conception. On est vraiment sur une industrie qui n'a plus rien à voir. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi qu'il faut prouver, on va dire, aux jeunes publics. C'est leur montrer que ces métiers-là ont vraiment évolué sur les dernières années. Alors là, vous évoquez jeune public. On n'est vraiment que sur du jeune ou est-ce que ça peut parler à des adultes en reconversion ? Alors, tout à fait. L'apprentissage va de 15 à 30 ans, mais il existe les contrats de professionnalisation que l'on peut faire après 30 ans. Et donc, toute reconversion professionnelle est possible au sein du CFA, à condition d'être sous contrat de professionnalisation et d'avoir trouvé son entreprise. Et oui. Donc là, on parle d'industrie au sens large, mais quelles sont les formations spécifiques qui sont proposées au sein du CFAI et dans quel domaine industriel ? Alors, on va se recentrer principalement sur Amboise pour le moment. Donc c'est vrai qu'on a trois filières principales. On a la maintenance, l'usinage et l'électricité. Sur chaque filière, nous avons le niveau bac et le niveau BTS. Ensuite, pour parler au niveau régional, on a aussi de la chaudronnerie industrielle sur nos sites, de Châteaudun notamment. On a aussi de la robotique, on a de l'automatisme sur notre centre de la Chapelle Saint-Mémen. Et puis, on a aussi beaucoup d'usinage sur notre site de Bourges. Voilà. Alors, vous l'avez évoqué, il y a plusieurs sites. Hein. Donc, on a parlé de Bourges, Saint-Mémen, donc proche d'Orléans. Il y a quoi d'autre encore, Damien ? On a six sites, en fait, sur la région centre. On a Amboise, Orléans, donc la Chapelle Saint-Mémen, Bourges et Châteaudun, qui sont nos quatre CFA principaux. Et on a également deux antennes, une à Blois et une à Déol, à côté de Châteauroux. Où là, on va plus se concentrer actuellement sur des formations type titre pro ou formation continue. D'accord, donc on peut faire le bac et le BTS à Amboise, par exemple. On peut tout à fait faire son bac et son BTS à la suite à Amboise. Un jeune qui rentre chez nous peut rentrer pour ses 5 ans d'année d'apprentissage. Très bien. Alors, on l'évoquait aussi tout à l'heure, on parle souvent d'une industrie en manque de bras. Quels sont les métiers qui sont accessibles après une formation chez vous ? Alors, au niveau bac, on peut très bien devenir technicien, hein, que ce soit technicien d'usinage, ce qu'on appelle tourneur-fraiseur. Ça peut être aussi technicien en électricité, on peut être technicien de maintenance industrielle. Si on va après, par contre, sur du BTS, là, on va plus se diriger sur des postes où on va faire un peu de conception, éventuellement du bureau d'études, ou en tout cas des postes, on va dire, à valeur ajoutée au sein des entreprises. D'accord. Alors, on l'a dit, le public visé par ces portes ouvertes, c'est les jeunes en recherche d'un apprentissage, des adultes éventuellement en reconversion. Est-ce qu'il y a d'autres publics qui peuvent être concernés ? En fait, l'industrie, c'est pour tout le monde et les portes ouvertes, c'est le bon moyen de venir découvrir aussi. On peut éventuellement même être travailleur avec une reconnaissance de travailleur handicapé. Là, pourquoi pas venir à notre rencontre et voir les possibilités qu'on pourrait trouver pour cette personne au sein de l'industrie. Comme disait Lise tout à l'heure, l'apprentissage, c'est de 15 à 30 ans. Mais quand on a une reconnaissance de travailleur handicapé, on peut se former en apprentissage toute sa vie. Donc, il ne faut pas hésiter à venir à notre rencontre. Surtout qu'il y a des débouchés, comme vous le disiez. Alors, quels seront les temps forts de cette journée du 15 mars qui démarrera à 9h pour finir à 16h sur les 5 sites, on rappelle, mais on est en l'occurrence aujourd'hui plutôt sur le site d'Amboise. Est-ce qu'il y aura des rencontres avec les professionnels, en dehors aussi des jeunes, hein, comme disait Lise, des alternants qui seront déjà là pour conseiller les futurs ? Oui, alors du coup, à partir de 9h, il y aura déjà un accueil café un peu plus convivial. Et puis après, vous pourrez aller à la visite de nos ateliers, rencontrer nos formateurs, échanger avec eux sur la possibilité d'intégrer l'une de nos formations à la rentrée prochaine. Et puis en effet, hein, j'insiste quand même sur le fait que nos apprentis seront là pour rendre service et faire visiter nos ateliers aux familles et aux jeunes qui seront présents, et aux moins jeunes aussi. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous rencontrer et surtout nous questionner. Et on ne repart pas avec des doutes. Ce qui est génial au CFAI Centre, c'est que pour avoir connu des jeunes qui avaient fait leur formation là-bas, ils sont devenus par la suite les employeurs des futurs apprentis. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et vous les voyez revenir parfois ? Beaucoup de nos tuteurs actuels en entreprise sont des personnes qui sont passées à un moment donné par le CFAI. Il faut savoir qu'à l'origine, ça s'appelait la CFAMREC. Oui. C'est assez drôle. On a encore des fois des gens qui nous interpellent sur les salons ou sur les forums en nous disant « Ah, j'ai été apprenti à la CFAMREC il y a 30 ans et aujourd'hui, je suis tuteur d'un de vos jeunes en entreprise. » Ça, c'est, je pense, notre plus grande fierté au CFA. Hein. Le CFA a bientôt 50 ans. Hein. Cette année, ça marquera les 50 ans du CFAI Centre. Et voilà, de voir qu'on a cette continuité, cette transmission de savoir de génération en génération, c'est vraiment quelque chose qui nous rend très fiers. Ça fait combien de temps, l'un comme l'autre, que vous y travaillez ? Moi, ça va faire 6 ans bientôt. Et moi, ça fait 4 ans. D'accord. Alors, pour ceux qui ne pourraient pas venir samedi, comment ils peuvent s'informer autrement ? Alors, les portes ouvertes, c'est toute l'année. D'accord. Au CFAI. Là, on a des portes ouvertes un peu, on va dire, spécifiées hein, de ce 15 mars de 9h à 16h. Mais nous, avec Lise, on est basé au CFAI. Et à chaque fois qu'on a un jeune qui nous contacte, on va lui proposer spontanément de venir à notre rencontre, de venir se rendre compte de cet univers, de ces ateliers et de cet environnement. On a également aussi un dispositif qui s'appelle les mercredis technologiques. Mm-hmm. C'est des après-midi d'immersion où là, par exemple, un jeune qui hésiterait entre l'usinage et l'électricité peut venir s'inscrire et il passe un après-midi en binôme avec un de nos apprentis en atelier. Là, il va vraiment manipuler, il va toucher. Ça va lui permettre de consolider son choix d'orientation. C'est un peu un vie-ma-vie d'apprenti dans l'industrie. Ah, l'image est sympa. En tous les cas, on pourrait en discuter hors antenne, mais il y a quand même un vrai confort de formation au sein du CFAI d'Amboise. Et pour quelle raison ? Parce qu'on a aussi un foyer au CFAI Amboise qui peut aussi accueillir les jeunes qui sont un petit peu éloignés d'Amboise. Le foyer Prometa. Tout à fait. Ils s'appellent toujours comme ça ? Exactement. Okay. Voilà. Où il y a des chambres simples, des chambres doubles, voilà, où il peut les louer au mois, on peut aussi les louer à l'alternance en fonction des envies et des besoins de chacun. Donc ça, c'est un vrai plus pour les jeunes qui sont un peu éloignés, oui, en effet. Et puis je crois aussi qu'il n'y a pas des classes surchargées, donc ça permet aussi un apprentissage d'une meilleure qualité. On a la chance d'être sur un centre de formation de taille humaine. Hein. On a à peu près 200 apprentis par an au CFAI à Amboise. Et vu qu'on a une alternance et une contre-alternance tous les 15 jours, en moyenne, ils sont une centaine sur le site. Donc, ce qui nous permet d'avoir des classes où ils sont entre 8 à 12 par groupe et par section. Et puis, on a la chance d'avoir de très beaux ateliers, ce qui permet que quand le jeune est en atelier, hein, un jeune, par exemple, en bac pro usinage, il passe à peu près 19 à 20 heures par semaine en atelier. Et ben, il ne va pas passer son temps en atelier à regarder ce que fait le copain sur la machine en attendant qu'il ait fini. Chaque jeune a vraiment du matériel à sa disposition. Et donc, c'est ça aussi qui fait le confort de nos formations. C'est presque une dimension familiale, finalement. Exactement. Quand vous croisez les jeunes dans la journée, vous connaissez les prénoms de tout le monde ? Presque. Eh oui, ça ne m'étonne pas. Alors, si vous deviez donner une bonne raison à nos auditeurs, et surtout aux jeunes qui nous écoutent, de venir aux portes ouvertes. Dans l'industrie, il y a du travail. Aujourd'hui, on a plus d'offres que de gens à mettre en face. C'est des offres souvent qui sont bien payées, où la qualité de travail et le confort de vie est plutôt agréable. Et puis, surtout, il faut venir découvrir cette industrie 2.0, 4.0, qui a beaucoup changé. On y croit vraiment, à ce facteur image qui doit changer et cette envie d'aller travailler dans ce secteur-là. Et si je pouvais rajouter, bien sûr, nous avons ouvert récemment à Amboise, au CFAI, la fabrique à venir. Si vous voulez la découvrir pour en savoir un peu plus, eh ben, il faut venir à notre rencontre. Ah ben là, on est très curieux, là, parce que là, du coup, vous n'en avez pas dit assez, Elisa, on a envie de savoir. Ok, donc rendez-vous ce samedi 15 mars, de 9h à 16h, au CFAI, qui est rue du Clos Bourget. Le 8, rue du Clos Bourget. C'est ça, très bien. Eh bien, merci à tous les deux d'être venus. Je rappelle que Lise Croix, vous êtes conseillère emploi formation sur le département d'Indre-et-Loire, et que Damien Berthet, vous êtes également conseiller emploi formation et chargé de sourcing. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci beaucoup. Et alors, vous savez que vous n'êtes pas les seuls à ouvrir vos portes ce 15 mars, et d'ailleurs le 14 et 15, en effet, le lycée professionnel Jean Chaptal aussi. Et nous avons rencontré Gaëlle Couvra, la directrice déléguée aux formations lors du Forum de l'emploi des savoir-faire et de l'orientation ce vendredi 7 mars au lycée agricole d'Amboise. On l'écoute. Bonjour, donc je m'appelle Gaëlle Couvra et je suis directrice déléguée aux formations du lycée Jean Chaptal à Amboise. Le week-end prochain, le vendredi 14 mars et samedi 15 mars, nous aurons le plaisir d'organiser nos portes ouvertes et d'accueillir tous les visiteurs en recherche d'informations et de formations dans différents domaines. Alors justement, ces domaines, est-ce que vous pouvez nous en parler, puisque il y a beaucoup de formations qui sont prodiguées au sein du lycée ? Tout à fait. Donc nous avons des formations dans le soin à la personne, dans les formations également en hôtellerie-restauration, en filière accueil, en filière commerce et également sur deux filières industrielles qui sont la plasturgie et l'outillage. Donc les ateliers seront ouverts pour pouvoir déambuler, voir les machines, et les élèves seront là aussi pour guider les visiteurs ? Tout à fait, donc chaque visiteur sera pris en charge par nos élèves qui les accompagneront sur l'intégralité du lycée et chacun aura le plaisir même d'échanger avec des entreprises partenaires qui seront là pour communiquer également sur la poursuite, sur les métiers en complément de nos formations. Donc on peut venir vendredi 14 de 16h à 19h et samedi de 9h à 12h30. Tout à fait. Au lycée Jean Chaptal, on sera heureux de vous accueillir. Merci beaucoup Gaëlle. Merci, bonne journée. Et c'est la fin de ce mag. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM et réécouter cette émission en podcast. À demain, à la même heure.